Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Mathieu Pinchina. Bonjour. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, ça fait plaisir. Bah plaisir partagé. Tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? Ouais, j'ai un truc de dingue qui m'est arrivé. J'ai beaucoup tourné avec mon premier seul en scène tout seul comme un grand. En 2016, 2017, 2018. Mm-hmm. Et j'ai fait une date notamment, c'était un super théâtre, genre 800 personnes, quasi complet. J'arrive, il y a deux régisseurs pour moi, un pour le son, un pour la lumière. Donc là tu te dis c'est pro quoi. Ouais, c'est carré quoi. Tu vois, tu te dis ça va être le kiff absolu, ouais, le mec c'est vrai que quand c'est vrai que quand il y a un régisseur pour faire le son, la lumière et la livraison des pizzas, c'est chaud. C'est chaud. Là putain, il y a plein de gens pour les pizzas quoi. C'est délire quoi. Et le théâtre très beau et tout machin, donc trop cool. Donc je me mets comme ça, voilà, je fais mes calages techniques, et je dis au mec de la lumière, je veux que des changements de lumière cut, quoi. Je veux que ça bouge d'un coup, pas de truc noir sec. Noir sec, ou alors changement sec, bascule, machin, tout ça. Mais hyper pour mettre du rythme. Et le mec du son, on bosse des trucs et tout, nickel. Et je commence le spectacle, et je suis dans les loges, là, un mec qui fait son petit discours au début, noir sale, et là, il y en a un, il y a le premier son qui part. Ouais. Et là, j'entends, toum. C'est le bruit de l'ordinateur. Windows. Ouais, voilà. C'est quoi ce délire? La musique démarre. Je dis bon, ok. La lumière arrive et tout. C'est cool et tout. Là. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à. je devenais fou. Bon, déjà, le mec des lumières, il m'a fait que des fades, mais hyper lents. C'est-à-dire, des trucs tout aussi. Tu fais ta vanne de fin, tu fais ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Normalement, ça fait sec. Là, un boom sec. Et là, voilà. Ça fait. Un truc qui prend mais mille ans, quoi. Et toi, tu sais pas quoi faire. Tu viens de faire ta vanne. Normalement, il y a un cut et ça donne le. Donc, déjà, c'était chaud. Et le mec des sons, alors les deux premiers sons sont partis nickel. Et après, j'avais un sketch où je faisais une séance de spiritisme. Oui. Et je faisais genre, esprit, es-tu là? Un coup pour oui, deux coups pour non. Et là, la régie, ça faisait. Ouais. Bon, du coup, il était pas là. Je me dis, mais attends, esprit, tu n'es pas là. Et sauf que c'est un dialogue avec des sons très courts, quoi. Et là, je fais esprit, es-tu là? Un coup pour oui, deux coups pour non. Donc, là, on se marre. Et rien. Ah, je dis, tiens, c'est bien. Je fais esprit. Esprit de la régie, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais, tu m'as appelé le mec, Bernard. Bernard. Je commence à improviser un peu et tout ça. Et là, j'entends tunk, le même bruit de Windows, c'est pas quoi. Hein. Oh là là. Là, il y a un son qui part. C'est un son de la fin du spectacle. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai Donc ce truc, je commence à gérer un peu, tu sais, en impro et tout. J'ai un peu là. Mais les gens, ils sont morts de rien. Il y a que l'impro qui peut te sortir. Ah bah là, t'es sur les rames. Ouais, c'est ouf. Et je fais ce truc là et tout ça. Bon, finalement, je coupe le sketch, là, bon, ok, d'accord. Et puis, je trouve une feinte pour sortir, je reviens, je reprends la parole, là, puis, je discute. Le mec des lumières, il met une heure à me re-suivre sur la suite, forcément, tu vois. Et bon, c'est là, je m'en sors. Et là, j'ai un autre sketch, je fais un moment d'émotion, un peu après. Je dis, voilà, on a fait une jolie lumière pour ça, et on a du son aussi, on a une jolie musique. Et là, du coup, je dis, ouais, donc on a fait une jolie lumière, donc je chique des doigts, la lumière apparaît, je dis, voilà, c'est beau. Et là, je fais, ouais, alors, bon, normalement, on a une jolie musique. Je suis pas sûr, hein, je crois qu'on va oublier aujourd'hui. Là, le mec lance une musique, alors c'était pas du tout le top. Hein. Oh. Lance une musique, je dis, ouais. Voilà, bah c'est pas celle-là. C'était l'enfer. T'as senti le truc venir, quoi. Ouais, et le mec, il m'a pas mis un seul top. Et en fait, j'ai compris après, c'est un ordinateur beaucoup trop jeune pour un régisseur beaucoup trop vieux. Quand il y a un mauvais ratio, il y a un ratio, c'était pas le bon, quoi. Et à la fin du spectacle, tu vois qu'ils ont vu voir et tout. Parce que bizarrement, en fait, par exemple, le moment d'émotion où je m'appuyais vachement sur la musique, là, du coup, j'avais pas la musique, donc j'étais obligé de chercher en jeu d'acteur et tout ouais, ça. Ouais. Et en fait, ça m'a fait trouver plein de trucs dans ça, le jeu. Ouais, et j'ai joué vachement mieux. Que, quoi. Ouais, j'ai beaucoup mieux joué que les autres fois. Quoi. D'accord. Donc, du coup, j'en tire une. Du coup, t'as engagé les régisseurs. Ouais. Non. Qui te suivent en tournée. Non, sûrement pas. Oh non. Et vraiment, il y a des gens qui m'ont dit, mais du coup, c'était fait exprès et tout. J'ai dit, bah non, c'était pas fait exprès. Ah, on a vu. J'ai dit, bah ouais. Ah, il y avait pas de doute. On a vu, mais c'était marrant. Mais c'est l'essentiel, ça reste marrant. C'était marrant, et puis après, voilà, après, bon, tu te dis, voilà, on va recaler les trucs. C'est des petites galères, mais bon, ça reste marrant. Ouais, non, c'est marrant, ça c'est. Okay. Mais sur le moment, tu bah, tu galères, c'est sûr. Bah, c'est sûr, je te comprends. Et puis en fait, après, c'est parce que. Sur le moment, c'est pas que tu le vis bien ou pas bien, c'est tant que t'arrives à t'en sortir, tu dis bon ça va, mais qu'est-ce que ça va être après, comment je vais faire. Puis après t'anticipes le top d'après, comment il va faire, comment je vais faire. Tu commences à essayer de trouver des moyens d'éviter et tout, enfin bon. C'est ce qui fait la magie du métier. Exactement, mais en tout même temps, simplement. Et au final c'était rigolo. Oui, bon, ça reste un bon souvenir. En tout cas, merci beaucoup. Bah, de rien, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, j'ai mon spectacle qui s'appelle Qui fuis-je, c'est le nouveau spectacle. Ouais. Pour l'instant, c'est à Paris, aux Têtes du Marais, à Avignon cet été, et puis en tournée. un peu partout. Bon, mais c'est cool, c'est sympa. Et sur tes, donc sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, Mathieu Pinchina. Ouais, Matt Pinch ou Mathieu Pinchina, les deux. Matt Pinch, avec deux T, hein, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ah, parce que sinon, c'est un autre mec. Non, c'est vrai. voilà, c'est tout. Hein. Ok, bah, écoute, avec plaisir. Mais merci à toi, merci à toi. Ouais, merci. Mais pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.